Je vous ai fait rire, pleurer et même peut-être trembler. Mais mon plus beau rôle, c'est de vous faire réfléchir. Je suis fragile et parfois j'ai peur de tomber dans l'oubli. Vous me reconnaissez ? Je suis votre cerveau. Je ne le dis pas assez, mais j'ai besoin de vous. Parkinson, Alzheimer, sclérose en plaques, dépression, AVC. Nous avons encore tant à apprendre pour faire progresser la santé du cerveau. Soutenez la recherche et faites un don à l'Institut du cerveau sur institutducerveau-icm.org. La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, quelle place pour les sciences dans la vie de la cité ? Les choses sont désormais claires. Il est devenu impossible de se faire une bonne culture, à la fois en physique des particules, en génétique, en génie nucléaire, en climatologie, en immunologie, en anthropologie et en algorithmique. Dès lors, si l'on voulait que les citoyens participent aux affaires publiques en étant vraiment éclairés sur tous ces sujets, il faudrait que chacun possède 1000 cerveaux et autant de vie. Les scientifiques eux-mêmes, qu'on a tendance à distinguer du grand public en les rangeant dans une seule et même catégorie, ne sont en général compétents que localement, dans et aux abords de leur propre discipline. Si l'on demandait à brûle-pourpoint à un physicien d'expliquer en détail comment fonctionne un vaccin à ARN messager, il serait certainement embarrassé. De même pour un biologiste si on l'interrogeait sur la nucléosynthèse primordiale, ou sur le boson de Higgs. Pour toutes ces raisons, on ne saurait défendre une conception scolaire de la citoyenneté. Un citoyen qui se proclame indifférent aux sciences n'est pas un moins bon citoyen qu'un autre qui s'y intéresse. Mais il n'empêche, la diffusion des connaissances scientifiques demeure une affaire publique, dans le sens le plus élevé du terme. Car la République, à défaut d'être elle-même savante, accorde à la connaissance une valeur spécifique. Et surtout, elle proclame que toute connaissance doit pouvoir être connue de tous, au moins en principe. Car ni le théorème de Pythagore, ni le second principe de la thermodynamique, ni la formule E égale MC2 n'appartiennent à quelqu'un en particulier. Mais il y a un problème. La science n'est pas si facile à partager. Dès lors, que faire pour mieux la faire connaître ? C'est la question que nous voulons poser en ce jour au début de la fête de la science, qui durera en France jusqu'au 16 octobre. Et pour répondre à cette question et éclairer nos lanternes, j'ai le plaisir de recevoir Bruno Macquart. Bonjour. Bonjour Étienne Klein. Vous êtes ingénieur agronome et énarque, et vous êtes le président d'Universcience qui regroupe le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences et de l'Industrie. J'ai une première question. Vous êtes un cas assez singulier, vous êtes scientifique, ingénieur agronome, puis vous avez fait l'ENA. La réciproque ne s'observe jamais. On n'a pas vu d'énarque devenir ingénieur agronome. Quelle a été votre trajectoire ? J'ai passé le concours de l'ENA. plus sérieusement, après avoir été diplômé de ce qu'on appelle aujourd'hui AgroParisTech, à l'époque c'était l'Institut National Agronomique Paris-Grignon, je suis parti en Inde faire mon service militaire à l'ambassade comme attaché agricole. Quand vous êtes loin de chez vous, vous réfléchissez à ce que vous allez faire au retour, surtout dans un pays très, très différent comme l'Inde de la France. J'avais toujours envie de travailler dans les affaires publiques, appelons ça comme ça, sans doute aussi par en raison de mon entourage familial, puisque mes oncles, mes tantes, mes parents étaient enseignants ou occupaient d'autres tâches dans l'administration. Et puis dans ce pays, vous savez que pour rentrer dans la haute administration, il faut en fait passer l'ENA. Il y a une seule porte d'entrée. En tout cas, c'est la plus grande. Et donc je me suis dit, je vais essayer de m'y coller. Et puis, je m'y suis repris deux fois et puis je suis rentré. Ça a marché. Ça a marché. Mais... Et qu'est-ce qui a mené votre trajectoire depuis l'ENA jusqu'à la diffusion de la culture scientifique et technique ? Alors ça, c'est une autre histoire, puisque à la sortie d'ENA, vous le savez, alors aujourd'hui ça n'existe plus, puisqu'on a l'Institut National du Service Public, on choisit un corps de débouché, finalement, et donc j'ai rejoint l'Inspection Générale des Affaires Sociales, qui est un corps d'inspection, moins connu que, par exemple, l'inspection générale des finances, mais qui s'intéresse à toutes les questions liées à la sécurité sociale, à la santé, au travail, à la formation professionnelle, et qui, évidemment, donne à ceux qui ont la chance d'y exercer une ouverture d'esprit par la multiplicité des sujets qu'on traite assez importante. Et il se trouve qu'il y a beaucoup de membres de l'inspection générale des affaires sociales qui se retrouvent dans le secteur de la culture, sans doute parce qu'il y a des affinités. Alors après ça, j'ai eu la chance à un moment donné, je voulais prendre un peu, voir d'autres horizons professionnels et me frotter à d'autres problématiques que celles dans lesquelles j'avais été pendant plusieurs années. Et j'ai eu la chance, c'est un concours de circonstances en fait, de rejoindre le centre Pompidou. Et puis après ça, ça a été le début de mon aventure dans le secteur culturel. Et donc vous êtes maintenant président d'Universcience, Bruno Macquart. Universcience, j'ai lu quelques textes définissant cette institution publique, a pour mission, est-il écrit, de diffuser la culture scientifique, technique et industrielle auprès de tous les publics, quel que soit leur âge, leur niveau de formation, leur origine géographique ou sociale. C'est un vaste programme. C'est une ambition. C'est un horizon. Et en tout cas, c'est notre feuille de route quotidienne, qu'elle soit dans nos deux sites physiques, le Palais de la Découverte, la Cité des Sciences et de l'Industrie, mais aussi dans notre troisième lieu, qui est un lieu, lui, purement numérique, qui s'appelle le Blob, leblob.fr. Et nous essayons évidemment chaque jour de tenir la promesse que nous nous sommes faites. Et nous sommes un instrument public fondé par la puissance publique pour le développement de ce qu'on peut appeler aujourd'hui la culture scientifique ou l'éducation scientifique générale. Et nous contribuons avec d'autres à faire en sorte que la science soit partie intégrante de la culture de l'honnête homme et de l'honnête femme du XXIe siècle. Et quels sont les obstacles que vous rencontrez pour cette diffusion? Quand vous regardez les publics qui vous rendent visite, est-ce qu'il y a des biais qui s'imposent? Quels sont les publics qui sont difficiles à aller chercher? Sachant que c'est une sorte de truisme pour lequel je présente mes excuses, mais ne viennent vous voir que les gens qui viennent vous voir. Alors, nous avons décidé d'appliquer la science à nous. À notre pratique, nous sommes des artisans d'abord et avant tout, mais nous avons décidé de pratiquer ce que nous promouvons, c'est-à-dire la méthode expérimentale et l'observation. Et donc nous sommes munis d'un outil nouveau, ça fait 2 ans maintenant, sa troisième édition sortira l'année prochaine, pour comprendre à la fois le rapport de la population à la science, mais aussi son rapport aux médias et à la manière dont elle construit son opinion. On a appelé ça le baromètre de l'esprit critique. Alors on fait ça sérieusement, hein. C'est un OpinionWays que tout le monde connaît qui réalise ça selon les standards de la profession. Et ce qui nous permet de dire, en tout cas selon l'échantillon qui a été sélectionné, qu'à la différence d'autres études peut-être plus alarmistes, sur les deux premières éditions, on a quelques tendances fortes. La première, c'est qu'il n'y a pas de rejet en moyenne de la science par les Français. Et qu'il ne faut pas regarder en moyenne, mais il va falloir regarder en fait dans le détail. Que chacun sait que les moyennes peuvent recouvrir des situations très contrastées. Je donne quelques chiffres, je ne vais pas en donner trop, mais 58% des interrogés ont fréquenté un lieu ou un musée de science au moins une fois dans les 3 dernières années. 58%, c'est beaucoup. 38% pratiquent des activités scientifiques au moins de temps en temps. 55% s'informent sur des sujets scientifiques au moins une fois par mois. Et puis 23% des sondés citent la science comme centre d'intérêt. Et c'est plus que l'actualité économique ou que les beaux-arts, par exemple. Et puis un chiffre moi qui me réjouit, c'est que 81% des sondés disent que la science fait partie de la culture. Donc le débat qu'on peut avoir des fois, est-ce que la science fait partie de la culture, il est déjà tranché par l'opinion publique. Oui, nos concitoyens considèrent que la culture du XXIe siècle, c'est une culture à composante scientifique. Alors après ça, il y a des disparités, fortes même. Des disparités territoriales, générationnelles et des disparités de genre. Et si je résume, grosso modo, plus on est une femme d'âge avancé ou important, habitant en périphérie, moins on est en affinité avec les sciences. C'est ça que on a objectivé. Alors, le sondeur nous a fait 4 groupes de répondants. Vous savez, il regroupe les répondants par catégorie. Donc, il y a 4 catégories. 14% sont des passionnés de sciences. 35% sont des intéressés. 40% sont des irréguliers. Et 11% sont des distants. Et alors, ces derniers, les irréguliers et les distants, eh bien, ce sont des catégories qui sont majoritairement féminines et résidant plutôt dans les petites villes ou dans les zones périurbaines ou rurales. Donc, c'est ces gens-là qu'il faut aller chercher. Là, ce que vous voyez, c'est une corrélation. Est-ce qu'on peut l'interpréter en termes de causalité? Est-ce qu'il y a une cause qui explique cela? Je ne sais pas répondre à cette question. En tout cas, ce qui est important pour nous, c'est de se dire que nous devons nous adresser à ces publics-là. Et nous adresser à ces publics-là, là où ils sont. Parce qu'il y a une autre dimension aussi importante, c'est que la science se consomme aujourd'hui beaucoup en images animées, en vidéo, que ça soit à la télévision ou sur Internet. Et que la nouvelle génération, c'est pas une surprise, mais on le retrouve, disons les moins de 24 ans, ont totalement renversé la pyramide des usages des médias. Elles s'abreuvent, si je puis dire, ou elles s'informent sur Internet et les réseaux sociaux, alors que j'allais dire, les autres générations s'intéressent à la télévision et à la radio. Et puis aussi, un autre élément important, c'est que les jeunes accordent une importance cardinale au bouche à oreille des proches. C'est-à-dire que leur opinion se forge dans le cercle familial. Et si on voit de manière plus générale, à l'échelon des Français maintenant, les gens se forment une opinion plutôt en milieu familial et en milieu scolaire. C'est intéressant de le noter. Donc ces éléments, ils nous donnent des indications pour orienter les actions de promotion de la science ou de diffusion de la science ou de partage de la science, vulgarisation comme on a dit, comme on disait il y a encore pas si longtemps. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons décidé de rencontrer les promoteurs des autres études sur les rapports entre les Français et la science, parce qu'il y en a de nombreuses. Et nous disposons d'un réseau qui s'appelle le réseau Remedis, réseau sur la médiation scientifique, qui est un réseau qui s'intéresse à la recherche en matière de médiation scientifique. L'idée étant toujours d'appliquer la science à nos activités. Les membres fondateurs en sont outre Univers-Sciences, le Conservatoire National des Arts et Métiers, l'AMSTIC et l'Association Française des Centres et Musées de Sciences, Instant Sciences, Sorbonne Université, l'Université de Lorraine, l'Université de Montpellier. Et ce réseau qui a pour ambition de cartographier la recherche en matière de médiation scientifique et puis surtout d'en impulser de nouvelles. On a très envie d'avoir de la littérature scientifique publiée dans des revues à comité de lecture et qui permettent après ça de faire le lien avec les praticiens que nous sommes, favoriser le transfert des bonnes pratiques. Et nous organisons le mois prochain en Lorraine une journée d'analyse et de comparaison des études pour voir si on peut... Donc il s'agit d'appliquer, Bruno Macquart, la science à la diffusion des sciences. Exactement. Et est-ce qu'il y a des méthodes qui ont montré une efficacité insoupçonnée qu'il faudrait généraliser? Alors, nous sommes sur le territoire en France, mais aussi évidemment en Europe et dans le monde, de nombreux acteurs de culture scientifique. Et je pense que s'il y a des choses qui fonctionnent, et il y a des choses qu'il faut sans doute améliorer. En tout cas, on pratique beaucoup l'essai erreur. Ça fonctionne, on est content. Des fois, on ne sait pas pourquoi. Par exemple, cet été... la Cité des sciences et de l'industrie, pendant les vacances scolaires, c'est-à-dire de juillet et août, a battu son record historique de fréquentation depuis 1986, la date de son ouverture au public. Sans que vous ayez cherché à atteindre cet objectif. Sans qu'on ait cherché à atteindre cet objectif et sans qu'on ait déployé une programmation spécifique estivale qui permettrait de dire que tiens, là, comme on a fait ça, on a attiré un monde supplémentaire. En fait, on a eu plus de 400 000 visiteurs qui ont franchi la porte. Cet été. Alors d'aucuns vont dire que c'est pratique parce que quand il fait très chaud dehors, on est climatisé. Et quand il fait pas beau, c'est bien aussi de venir parce que comme ça on a des choses à faire en famille. Bref, beaucoup de facteurs interviennent. Mais il y a peut-être aussi la programmation, puisqu'on a une programmation d'exposition assez dense. Je pense qu'on on y reviendra tout à l'heure. Donc, est-ce que c'est vrai, Bruno Macquart, que quand on vient à vélo à la Cité des Sciences et de l'Industrie, on paie moins cher le ticket d'entrée ? À la Cité des Sciences et de l'Industrie et au Palais de la Découverte, oui. En fait, on a un tarif mobilité durable. C'est une petite réduction d'un euro. Il faut avoir un casque. Alors le casque. Casque de vélo. Casque de vélo. Pas de moto, ça marche pas. Un casque de vélo parce que on a besoin évidemment d'un élément de preuve et on va pas demander aux gens de rentrer leur vélo dans le hall. Donc la solution la plus simple que nous avons trouvée, c'est de dire, écoutez, vous avez un casque, et quand on a un casque, il faut qu'on le laisse au vestiaire, c'est le moment où, okay, où vous nous croisez. Alors, le casque, c'est pas obligatoire, mais du coup... ça incite à le porter. On promeut aussi... la sécurité. La sécurité routière. Alors, on l'a dit, la fête de la science commence aujourd'hui, elle va durer une semaine. Alors, pour paraphraser quelqu'un, j'ai envie de vous demander, est-ce que, pour vous, cela veut dire beaucoup, la fête de la science, à la Cité des Sciences? Alors, la fête de la science est un moment important de l'année. Pour nos établissements, je parle encore une fois au-delà de nous, parce que ça a été, c'est la 32e édition cette année. C'est un peu la sœur de la fête de la musique, qui a été... Qui dure plus longtemps. Qui dure plus longtemps, effectivement, et qui est décalée d'ailleurs en Outre-mer, puisque vous avez cité les dates à l'heure, du 6 au 16 octobre en France continentale, mais c'est du 10 au 27 novembre en Corse, en Outre-mer, et puis aussi à l'international. Ça a été inventé par Bercurien, et depuis, son succès va croissant, parce qu'il y en a partout, pour tous, pour tous les goûts, dans les grandes villes, mais aussi beaucoup dans les petites villes, et j'ai de nombreux exemples. Par exemple, Cap Science, qui est le centre de sciences bien connu de Bordeaux, a déploie cette année dans la région Occitanie pas moins de 13 villages de sciences dans des petites villes ou des villes moyennes, comme Villeneuve-sur-Lot dans le Lot-et-Garonne. C'est pas en Occitanie, c'est en Nouvelle-Aquitaine. L'auditeur et l'auditrice auront rectifié. L'espace des sciences à Rennes, par exemple, s'est installé à Guerre, près de la forêt de Brocéliande, de là où il y a Saint-Cyr, Couette-Couidant. Et toute la ville est mobilisée jusqu'aux militaires de Saint-Cyr. Près de 300 chercheurs vont venir parler à la population dans des tout petits bourgs. Et je pense que c'est la grande force du réseau français d'être capable d'aller profondément dans le territoire. Nos collègues de l'espace Mondes France à Poitiers, ils vont à Availle-Limousine, 1200 habitants. Ils vont aussi à l'abbaye de Saint-Savin, 3400 habitants, où ils vont parler de l'escrime. Et puis en Ardèche, chaque année, nos collègues d'Ardèche s'installent dans un collège, et cette année, ils vont à Bourg-Saint-Andéol. Au collège de Bourg-Saint-Andéol, ils attendent 5000 visiteurs. Et donc, cette façon de sortir des murs, d'aller à la rencontre de publics qui ne viennent pas ou qui ne viennent pas souvent, est importante. Mais il y a aussi d'autres très belles choses, puisque à Laval, par exemple, vous avez une exposition sur les sportives, les femmes et le sport, qui est un sujet au moins aussi intéressant que les femmes et la science. On y retrouve d'ailleurs des biais symétriques. Et puis à Lyon, le musée des confluences avec le CNRS propose une grande manifestation qui s'appelle Play, qui permet de redécouvrir les jeux vidéo, les films, les séries, les BD, et d'aller y débusquer la science, les avancées technologiques dont parle finalement la grande culture populaire. À Villeneuve-d'Ascq dans le Nord, parce qu'il y a aussi des choses passionnante là-haut, à Villeneuve-d'Ascq, eh bien, il y a une animation sur les sports du monde, qui permet de découvrir des sports qu'on connaît pas bien, ou alors une animation que je trouve prometteuse sur l'utilisation du miel pour le sport, puisque le miel peut servir pour le sport. Je ne suis pas allé, mais je pense que ce sera intéressant. À Saint-Étienne, nos collègues vont passer une nuit au CHU pour donner la parole au monde hospitalier et de transporter finalement les visiteurs, les visiteuses dans le monde hospitalier. À Toulouse, le muséum va ouvrir une exposition, le muséum d'histoire naturelle. Exposition qui s'appelle Sex Appeal, qui est la scandaleuse vie de la nature, dont le titre est assez évocateur. Et les voisins du muséum, le Quai des Savoirs, ont déployé une fresque du futur participatif pour que chacun, chaque habitant, puisse imaginer ce à quoi pourra ressembler le futur de son quartier. J'en oublie sans doute. À Caen, vous avez les rencontres de la BD scientifique. À Strasbourg, vous avez un mur digital qui combine sport et science. Parce que le thème général de cette année, si j'ai bien compris, c'est sport et science. C'est sport et science. Alors, il y a toujours une thématisation annuelle. Et il y a en général beaucoup d'autres choses qui se déploient en parallèle. Et par exemple, à Lannion, nos collègues de la Cité des Télécoms, qui est installée à Pleumeur-Baudou, vont tester en avant-première une expérience immersive éternelle Notre-Dame, qui évidemment est très prometteuse. Alors, ensuite, il y a des choses évidemment à Paris, à la Cité des Sciences et de l'Industrie, et au Palais de la Découverte. Il faut en parler d'abord peut-être. Tiens, justement, le Palais de la Découverte, il est en rénovation depuis 2020. Est-ce que, Bruno Macquart, vous pouvez nous en donner des nouvelles? Est-ce que cette rénovation se passe bien? Écoutez, les nouvelles sont bonnes. Le chantier avance. C'est un chantier, à la fois un chantier patrimonial, puisque vous savez que nos murs sont des murs classés monuments historiques. Donc nous travaillons avec l'architecte en chef des monuments historiques, qui a la responsabilité du bâtiment. Et les travaux laissent aujourd'hui... On commence à voir ce que ça va être. C'est-à-dire que... en particulier dans nos espaces, beaucoup de rénovations ont été faites. Par exemple, les sols, qui sont des sols absolument magnifiques, en mosaïque qu'on a refait, les verrières sommitales également. Et surtout, le projet permet de voir aujourd'hui la circulation qu'on va pouvoir pratiquer dans le bâtiment, puisque vous savez que le Grand Palais des Découvertes est un bâtiment... qui a été ouvert en 1900 et qui, au fil des décennies, s'est retrouvé compartimenté. Il y avait des cloisons et des murs partout, alors que le projet la redonne au monument, son unité, sa visibilité, sa lisibilité, ce qui fait qu'il va être absolument magnifique. Ça va être un écrin de premier choix pour le Palais de la Découverte. Alors après ça, le deuxième chantier, mais qui est en parallèle, c'est évidemment un chantier intellectuel, un chantier de conception, de reconception, de réinvention de ce musée qui a été inventé, qui a été ouvert en 1937. C'est Jean Perrin, il n'était pas le seul, mais Jean Perrin en particulier en a été le père fondateur. C'est aussi celui du CNRS. Oui, justement, je voulais vous demander en quoi cette nouvelle version du Palais des Découvertes tient compte de l'évolution des rapports entre la science et la société, notamment. J'ai retrouvé un petit texte qui a été lu par Jean Perrin lorsqu'il a annoncé la création de la Caisse nationale des sciences, qui est l'ancêtre du CNRS. Jean Perrin, il faut le rappeler, c'est le découvreur de l'atome qui a eu le prix Nobel en 1926. Et voilà ce qu'il dit en 1930. Il dit rapidement, peut-être seulement dans quelques décades, je pense qu'il voulait dire décennies, « si nous consentons aux légers sacrifices nécessaires, les hommes libérés par la science vivront joyeux et sains, développés jusqu'aux limites de ce que peut donner leur cerveau. Ce sera un Éden qu'il faut situer dans l'avenir, au lieu de l'imaginer dans un passé qui fut misérable. » On pourrait plus dire ça aujourd'hui, non ? On le dirait peut-être un petit peu différemment, mais l'esprit d'ouverture à la science en train de se faire est important, parce que ce que nous avons cherché à faire aujourd'hui, c'est à amplifier la dimension de palais de la recherche, de nous intéresser non seulement aux connaissances accumulées, mais aussi à celles qui sont en train de se constituer, et donc de travailler ou de nous intéresser aux réponses, mais aussi aux questions, et donc de mettre beaucoup plus qu'avant l'accent sur la recherche contemporaine. Sur quoi travaillent les chercheurs aujourd'hui? Quelles sont les questions qu'ils se posent? Et nous allons suivre les questionnements les plus contemporains des équipes de recherche partout en France, et toute une partie des futures présentations du Palais des Découvertes, qui seront d'ailleurs titrées par une question par exemple, sera: quel rôle ont les nuages dans le mécanisme du changement climatique? Il y aura des expériences animées par des médiateurs avec les cheveux qui se dressent sur les têtes quand on fait une expérience d'électrostatique. Alors, le Palais des Découvertes a mis au point une méthode unique, qui est que nous ne sommes pas un musée d'objets, nous sommes un musée de relations, finalement. Et quand vous y venez, eh bien, vous avez la possibilité d'assister à des démonstrations en direct, ce qu'on appelle des médiations. Et nous avons évidemment fait fond sur cette dimension capitale, et que la médiation demain occupera une place toujours aussi centrale dans nos présentations. Nous aurons des équipements modernisés, et par ailleurs les formes de médiation vont se diversifier et bénéficier aussi de l'ensemble de l'expérience que nous avons accumulée toutes ces années, et puis de ce qui se fait par ailleurs. Alors, on aura aussi, et je touche du bois, si tout va bien. Il n'y en a pas beaucoup ici. Non, il n'y en a pas beaucoup, mais nous devrions, ouvrir ça, nous devrions installer sur le toit, par exemple, un télescope. Sur le toit d'un bâtiment classé, donc inutile de vous dire que nous sommes en discussion étroite avec la conservation régionale des monuments historiques, mais l'idée c'est de pouvoir acquérir de la donnée, puisqu'aujourd'hui vous pouvez en fait observer le ciel en ville de jour, parce que les télescopes ont maintenant une couche logicielle qui permet de, je mets des guillemets, nettoyer l'image et donc d'observer à peu près tout ce qu'on veut en direct. C'est une possibilité assez unique qui s'offre à nous, sachant par ailleurs que le planétarium, qui est là aussi un des clous de notre expérience de visite, le planétarium va être totalement refait. Nous avons bénéficié d'un mécénat exceptionnel pour ça. Et alors ça fait écho d'ailleurs à un instrument qu'on a à la Cité des sciences et de l'industrie, qui est le radiotélescope. Alors le radiotélescope, il a été voulu par Jean-Claude Péquer et Vincent et Pierre Léna, pardon, et qui permet l'observation du ciel aussi en direct. Et aujourd'hui, grâce aux technologies, on peut utiliser les données d'observation de cet instrument à la fois à la Cité, mais aussi demain au Palais des Découvertes. Donc l'idée est de non seulement parler de la science, mais parler de la recherche, et puis aussi d'aborder la manière dont la science se fabrique. Nous l'avons vu pendant le Covid, mais nous le savions déjà, que la science, sa méthode, n'est pas une méthode intuitive, finalement, et pas forcément bien comprise du grand public. Et je pense que nous tirons de cette période une leçon importante, qui est de dire qu'il faut expliquer comment se fabrique la science. Comment s'acquiert les connaissances. Et mais comment alors travaillent les chercheurs? C'est quoi leur quotidien? Où est-ce qu'ils sont? On aura d'ailleurs une salle qu'on appelle immersive, qui permettra d'entrer dans des grands instruments de recherche, comme les synchrotrons par exemple, et qui montrera aussi avec quoi travaille la science, ce qu'elle fait, les questions qu'elle a à traiter, et sans doute injecter, si l'on peut dire, des sciences humaines et sociales dans notre discours, parce que la science, évidemment, est aussi pour partie des sciences humaines et sociales. Bruno Macquart, pour quand est prévue la réouverture du Palais de la Découverte? Alors, l'ouverture va se faire par étapes. Nous avons décidé de ne pas attendre que tout soit prêt pour ouvrir, mais d'ouvrir dès qu'un ensemble cohérent est prêt. Ce qui fait que nous allons pouvoir, en fait, commencer à émettre, si je puis dire, dès le printemps 2025. Nous montrerons nos deux premières expositions temporaires. Et puis, nous allons ouvrir, à ce moment-là, un espace nouveau pour les enfants, art science. C'est-à-dire qu'il va, mais c'est assez unique, qui va aborder conjointement ce sera la transparence pour la première exposition. Donc cette notion par les sciences et par les arts. Et nous travaillons sur ce projet avec nos collègues de la Réunion des musées nationaux Grand Palais qui gèrent, j'allais dire, le reste des activités. Ensuite, à l'automne, nous ouvrirons dans une galerie qui, je pense, va ravir tout le monde, puisque nous avons 1000 mètres carrés d'un seul tenant, haut de plafond, c'est un endroit au-dessus de l'entrée, en fait, au premier étage. Un endroit que nous n'avions pas avant, que nous avons récupéré à la faveur de ces travaux. C'est l'exposition « Esprit critique, détrompez-vous », qui est une exposition que nous avons co-conçue avec nos collègues de Toulouse et de Bordeaux, et qui en ce moment est à Pleumeur-Baudou, j'en parlais tout à l'heure, la cité des télécoms, une exposition qui terminera sa course à Paris. Nous allons évidemment la compléter, puisque sur ces sujets-là, j'allais dire que l'actualité et la connaissance progressent vite. Et puis enfin, nous ouvrirons les présentations permanentes à l'été 2026. Donc, évidemment, tous ceux qui font des travaux aujourd'hui savent qu'il faut être prudent. Les aléas sont... Sur les plannings. Sur les plannings. Nous avons évidemment l'œil rivé sur les budgets d'une part et sur les plannings d'autre part. Mais la période récente nous a appris à être empreint d'humilité parce que nous ne sommes jamais à l'abri d'impondérables, d'approvisionnement, de disponibilité d'équipes, d'entreprises, etc. Mais en attendant, il y a ce que vous appelez les étincelles du Palais de la Découverte. De quoi s'agit-il ? Les étincelles du Palais de la Découverte, c'est le lieu dans lequel nous continuons à recevoir le public pendant les travaux. Dans le 15e arrondissement. Dans le 15e arrondissement. Alors, c'est si vous regardez la Seine, vous avez le jardin André Citroën. Et puis après, on est, j'allais dire, en cet endroit-là, contre le jardin Caroline Aigle, sur une petite parcelle. Ça fait quelques centaines de mètres carrés que nous a prêté la ville de Paris. Nous y avons construit un bâtiment tout en bois. Modulaire, les équipes l'appellent familièrement le chalet, parce qu'effectivement il est... C'est un bâtiment éphémère. C'est un bâtiment éphémère, mais qui pourra avoir une seconde vie, puisque il a été prévu pour avoir une signature carbone la plus faible possible. Nous avons en particulier réalisé tout le second œuvre en éco-conception, en réutilisation de matériaux. Je dis souvent, pour faire sourire, que les portes de mes placards dans mon bureau du Palais de la Découverte, aujourd'hui, elles servent de pupitre pour le planétarium des étincelles. On a réutilisé tout ce qu'on pouvait réutiliser, et ce qui fait qu'on a, à 90%, grosso modo, si je résume, c'est une réalisation éco-conçue, et qui a permis de ne pas couler de béton et de repartir comme elle est venue, c'est-à-dire de manière douce. Donc on y trouve, Bruno Macquart, des espaces de médiation, il y a même un planétarium, plus petit que celui du palais. Mais... Alors on y trouve effectivement quatre salles. Si je commence par le fond, l'une c'est un planétarium de poche, mais de bonne qualité, puisque l'optique est de très bonne qualité. D'ailleurs, nous faisons des soirées événementielles avec l'Observatoire de Paris, qu'on appelle les sidérales, qui mêlent à la fois de l'observation du ciel dehors quand la météo le permet, des séances de planétarium, et puis des échanges avec des chercheurs, qui ont beaucoup de succès, les sidérales. Et puis on a trois autres salles dans lesquelles nous conduisons nos activités de médiation humaine, donc où vous pouvez participer à des activités de chimie, de géosciences, d'informatique, de sciences du numérique, de mathématiques et de chimie, je pense pas en avoir oublié. Je vais revenir, Bruno Macquart, sur ce que vous appelez l'esprit critique, puisqu'il y a un printemps de l'esprit critique. Alors, ça consiste en quoi ? Il y a des enquêtes, des sondages, des exercices, des dénonciations des biais qui font que parfois nous nous trompons. D'ailleurs, votre initiative s'appelle « Détrompons-nous » ou « Détrompez-vous ». Qu'est-ce que vous appelez l'esprit critique ? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y en a... L'esprit critique, c'est un peu comme le cholestérol, quoi. Il y a le bon et le mauvais. Le bon, c'est celui qui fait qu'on remet en cause ce qu'on croit évident de penser. Le mauvais, c'est celui par lequel on critique tout ce qui fait unanimité au motif qu'on doit faire valoir sa singularité critique, justement. Et donc, les gens qui pensent que la Terre est plate, par exemple, se réclament de l'esprit critique. Alors, pour nous, l'esprit critique est une dimension importante de l'action d'un centre ou d'un musée de sciences, c'est où nous la concevons au XXIe siècle. Nous venons d'un monde où l'information était rare. Elle était dans des livres, les livres étaient dans des bibliothèques, puis il y avait des médiateurs qui étaient des enseignants, les professeurs à l'université. On est aujourd'hui dans un monde dans lequel l'information est partout, elle est désintermédiée, elle est horizontalisée, elle est accessible à tout moment, par tout le monde. Et ce renversement important, presque copernicien, de notre rapport à l'information, doit conduire les centres et musées de sciences à s'intéresser à la manière dont les gens peuvent évoluer dans ce nouvel ordre informationnel. Habermas, on vient de traduire un petit texte qui s'appelle « Espace public et démocratie délibérative, un tournant », disait, je cite, « De la même façon que l'imprimerie avait fait de tous des lecteurs potentiels, la numérisation fait aujourd'hui de tous des auteurs potentiels. Mais combien de temps a-t-il fallu pour que tous apprennent à lire ?» Ce qui veut dire que il faut qu'on apprenne, qu'on s'entraîne tous collectivement à vivre dans un nouvel espace et à apprendre sans doute de nouvelles méthodes. Et nous souhaitons doter chacune et chacun des capacités à se faire sa propre opinion dans un environnement d'infobésité. Alors ça passe par, en particulier, aider les gens à repérer les biais cognitifs. Et si je reviens à notre baromètre de l'esprit critique, on s'aperçoit que les gens, en tout cas ceux qu'on a sondés, par exemple, ne se méfient pas de leurs propres intuitions, en tout cas à 18%, alors qu'on sait que c'est un des biais cognitifs les plus importants. Il y en a d'autres, hein. Il y a les biais de confirmation, le biais de négativité, qui fait qu'on a plus tendance à accorder de l'importance aux informations négatives qu'aux informations positives. C'est ainsi que nous sommes faits. Nous déployons à partir de ça toute une série d'activités. Une exposition dont je parlais tout à l'heure, qui terminera en beauté au Palais de la Découverte, après les travaux, et qui du coup aussi nous a donné l'idée de développer une série d'activités, des conférences, des ateliers, en particulier sur l'éducation aux médias, et de les rassembler en une période de l'année qu'on appelle le printemps de l'esprit critique, on l'a appelé comme ça, et en 2024, pour la première fois, ce printemps va devenir national, c'est-à-dire que nous avons proposé à nos collègues en région de s'associer à nous, c'est-à-dire de programmer sur le sujet de l'esprit critique au même moment. Donc vous allez avoir en France, à ce moment-là, donc au printemps 2024, à partir du 21 mars jusqu'au 2 avril, vous allez avoir toute une série, un florilège finalement, d'interventions un peu partout en France sur la question de l'esprit critique. Et je vais donner un exemple, par exemple, sur aux étincelles, on en parlait il y a quelques instants. Dans nos médiations, nous, à ce moment-là, nous mettons l'accent sur comment est-ce qu'on sait ce qu'on sait. Comment est-ce qu'on sait ce qu'on sait. Et c'est une dimension importante. Et notre but, c'est de participer à la grande cause de l'esprit critique, puisque à la suite en particulier des travaux de Gerald Bronner, cette question a pris de l'importance dans le débat public et évidemment sera traité. Vous avez dit, Bruno Macquart, il faut que chacun puisse se faire son opinion. Alors justement, quand on a affaire à un savoir, l'opinion normalement doit être secondarisée. Il y a des choses qui ne relèvent pas de l'opinion. Vous avez tout à fait raison, il faut apprendre à distinguer les faits des croyances et aider à raisonner si on veut parler plus de manière plus... D'ailleurs, mon ami Olivier Garcia a fait remarquer que la science et les opinions, quand on les mélange, engendrent des inepties occasionnelles, qui est d'ailleurs leur anagramme. La science et les opinions, ça donne ineptie occasionnelle. Je le dis comme ça en passant. Il y a une exposition qui a commencé, qui va durer jusqu'en novembre 2024, pour les enfants de 6 à 11 ans, qui s'appelle Métamorphose. Alors j'ai compris que l'idée, c'est de jouer avec son ombre, de plonger dans un verre d'eau, de jouer avec sa voix grâce à des machines qui la déforment. Quelle est l'idée ? L'idée... Alors, on a déformé ma voix. Je vous en remercie. Mais elle devient très convaincante. Sans doute. Merci, en tout cas, de cet essai sensationnel. Nous avons lancé, il y a plusieurs années, une nouvelle ligne de programmation qu'on appelle Petit Curieux, qui visait à expérimenter de nouvelles formes muséographiques à destination des enfants. Comme vous le savez, la Cité des sciences et de l'industrie a déployé, il y a maintenant 31 ans, puisqu'on en a fêté les 30 ans l'année dernière, une Cité des enfants qui a été pionnière à plus d'un titre. Et la Cité des enfants va être réinventée, modernisée. Et nous avons lancé ces expositions temporaires pour les enfants, comme autant de bancs d'essai, de nouvelles écritures, de nouveaux registres muséographiques. On a fait des choses sur les expositions sur les cabanes, expositions sur les contraires, sur fragiles. Et là, effectivement, la dernière, c'est Métamorphose. Alors, Métamorphose, ça s'adresse aux 6-10 ans, donc aux enfants lecteurs. L'idée est de finalement faire de la philosophie et d'aborder les sciences en ouvrant la curiosité des petits. Et l'imaginaire. Et l'imaginaire. C'est important de déployer, de développer la créativité des enfants et de s'intéresser à comment est-ce qu'on peut contribuer à forger leurs compétences cognitives, sociales, émotives, à la fois individuelles et collectives, puisque nous sommes très attachés à cette dimension aussi d'expérience collective, avec des adultes, puisque ce sont des expositions dans lesquelles les enfants ne viennent pas seuls, mais ils viennent accompagnés. Donc nous avons aussi, dans ces offres de coéducation, une attention particulière pour les accompagnants adultes, qui peuvent avoir des postures très, très différentes. Alors c'est intéressant sur Métamorphose, c'est que c'est l'âge où c'est de la préadolescence, hein. Et on s'est demandé comment est-ce qu'on va traiter la question de la puberté. Alors on l'a très joliment traité par un film qui parle des âges de la vie et donc qui aborde les transformations que ces enfants-là vont subir. Et l'exposition a beaucoup de succès. Elle parle des métamorphoses dans la nature, des métamorphoses dans la forêt. Dans la forêt. C'est on y montre aussi des axolotls. Parce que le vivant est un moyen privilégié d'intéresser les grands et les petits aux sciences. Donc cette exposition qui est très riche en animation va durer, donc je l'ai dit, jusqu'en novembre 2024. Il y en a une autre qui s'appelle l'urgence climatique, qui a été ouverte le 16 mai 2023, qui est permanente ou qui est... Non, elle n'est pas permanente. Elle est permanente. Elle est permanente. C'est-à-dire, elle va durer 10 ans. Le commissaire est Jean Jouzel. Est-ce que vous avez remarqué qui vient particulièrement ? Est-ce que ce sont plutôt les jeunes, les plus vieux ? Est-ce que ceux qui viennent sont inquiets ? Est-ce qu'il y a une éco-anxiété, comme on dit, qui est manifeste chez les visiteurs ? Ou est-ce qu'au contraire, on vient chercher des moyens technologiques ou autres de lutter contre ce changement climatique ? Alors, ça n'est pas une exposition sur le réchauffement climatique. On en parle à un moment, mais en fait, c'est plutôt le point de départ. Et qu'est-ce qu'on fait ? De cette exposition qui dit, voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Où est-ce qu'on va ? Où est-ce qu'il faut progresser ? Comment on va progresser ? Comment on se mobilise ? Donc, c'est une exposition qui vise à nous projeter, à nous mobiliser individuellement et collectivement. Dans un futur qui reste à construire, on a beaucoup de choses à faire, on le sait, et on peut être saisi par une forme de découragement, de sentiment d'impuissance. Alors par qui elle est fréquentée ? Eh bien, écoutez, elle est beaucoup fréquentée par ce qu'on appelle nous dans notre jargon les jeunes adultes, 15-30 ans pour faire court, qui est une génération évidemment très sensible à ces questions-là. Et l'autre jour, nous avions la première édition de nos rencontres de l'urgence environnementale. On a des rendez-vous de l'urgence environnementale. On en a 3 par an. Et Hugo Clément est venu faire une conférence. On a refusé du monde. Et l'âge moyen, c'était 25 ans. peut-être un peu moins. Enfin, on serait cru dans un amphi d'université. D'université. En tout cas, si vous traitez les sujets avec les avec les bonnes personnes, vous intéressez indubitablement le public. Alors, en complément d'Urgence climatique, qui est une exposition qui donne la parole à la science, hein, et qui est aussi une façon de remercier les scientifiques pour leur engagement, puisqu'on a cette chance inouïe que Jean Jouzel, mais Valérie Masson-Delmotte, il y en a de nombreux autres, ne comptent pas leur temps pour parler au grand public, convaincre inlassablement de la nécessité d'agir, puisque le sujet est d'agir. Et en contrepoint, nous avons ouvert il y a quelques jours une exposition qui s'appelle « Ville de demain », qui, elle, tend le micro aux entreprises à l'innovation technologique. Alors, on sait que l'innovation technologique ne nous sauvera pas, à elle toute seule. Mais entre ceux qui disent que le progrès technologique ne sert à rien et ceux qui disent qu'il pourra tout, il y a certainement la place pour dire des choses justes. La Ville de demain, qui est une exposition qui dure jusqu'au 7 janvier 2024. Exactement, et qui a été conçue et produite par la fondation Solar Impulse de Bertrand Piccard. Et elle donne la parole aux entreprises qui montrent les technologies, qui sont des technologies mûres, hein, pour changer la ville, dans le domaine de la construction, de l'habitat, de la mobilité, des déchets, alors après ça, c'est la question du passage à l'échelle, hein, qui évidemment est importante. Et puis troisième temps de ce triptyque, nous ouvrirons au mois de décembre, toujours à la Cité des sciences et de l'industrie, une exposition qui vient du Design Museum de Londres, qui s'appelle « Précieux déchets ». C'est presque un oxymore. C'est un oxymore, puisque les déchets, d'abord il faudrait essayer d'en faire moins, mais on peut aussi les utiliser. On utilise, c'est une donnée qui date de quelques années, nous ne réutilisons que 15% des déchets. Il y a sans doute un gisement à exploiter et un changement de regard vis-à-vis des déchets. Une autre exposition qui va ouvrir dans quelques jours, je crois, s'intitule « Mission spatiale ». Il s'agit de quoi ? De parler du voyage possible vers Mars, sans doute ? Alors, « Mission spatiale » est une autre exposition permanente et qui vient en fait clore un cycle qu'on a ouvert avec Robot. Robot, alors c'est une permanente qui date de 2019. Exactement. Si j'ai bien lu mes notes. Vous avez très bien lu, qui a été suivi par Bioinspiré sur la bioinspiration, puis par Urgence climatique et Mission spatiale, qui est une façon de parler du monde d'aujourd'hui et des grandes problématiques scientifiques et techniques auxquelles nous sommes confrontés. Mission spatiale va parler des nouvelles frontières de l'exploration spatiale, y compris dans les questions que cette exploration suscite. On va parler de l'exploration par les robots, mais on va aussi parler, bien sûr, des nouveaux programmes, en particulier lunaire, avec Mars en ligne de mire. Et nous aurons la chance de proposer au public, à échelle 1, le module d'habitation, fait pour 4 personnes. 4 personnes, 10 mètres cubes, hein, c'est pas très grand. Et on va pouvoir entrer dedans, qui sera celui de Lunar Gateway, qui sera la station spatiale lunaire à laquelle participe l'Europe. Et avant même que ça soit lancé, nous allons en montrer la maquette. Ce sera assez spectaculaire. L'idée est aussi de montrer dans quelles conditions, ma foi, les hommes pourraient s'installer dans l'espace durablement et y fonder des bases. Il faut en fait utiliser ce que vous avez sur place, puisque emporter du matériel là-haut, c'est... Il n'y aura personne pour nous attendre. Il n'y aura personne pour nous attendre. Et qu'est-ce que, par exemple, le régolithe, qui est alors, ce qu'on trouve, par exemple, sur la Lune, mais comment on peut s'en servir ? Est-ce qu'on peut élever des plantes et des poissons pour se nourrir ? Bref, toute une série de nouvelles questions qui sont la nouvelle frontière de l'exploration spatiale, sans parler du fait que d'un point de vue géopolitique, de nouveaux acteurs se sont manifestés encore tout récemment, et qu'on peut se poser légitimement la question de savoir est-ce qu'il est, en ces temps de réchauffement climatique, raisonnable de continuer à mettre de l'argent collectivement sur la conquête de l'espace. Et comme nous le faisons toujours, nous ne sommes pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent penser, mais on va leur donner des clés de compréhension pour que, là, pour le coup, ils se forgent leur propre opinion. Justement, Gaston, j'allais vous appeler Gaston, mais vous appelez Bruno, et c'est votre fête d'ailleurs, bonne fête, Bruno Macquart. Merci. Mais Gaston Bachelard disait « La culture scientifique nous demande de vivre un effort de la pensée ». Est-ce que vous êtes d'accord avec lui, ou est-ce que vous pensez qu'on peut expliquer la science de façon presque systématiquement ludique ? Quelle est la part de jeu dans les expositions que vous proposez au public ? Est-ce qu'on vient se distraire ? Est-ce qu'on devient apprendre ? Est-ce qu'on vient pour apprendre ? Est-ce qu'on mélange tout cela ? Pour résumer, je dirais qu'il y a trois manières de parler des sciences qui sont autant de fils que nous tissons dans nos interventions. La première, qui est une façon classique de vous adresser à un public dans un musée. Je vous montre quelque chose. J'accroche un tableau, je mets une sculpture sur un socle, ou je vous fais entendre une symphonie. Donc c'est voir. Faire court. La deuxième qui a été développée au XXe siècle, c'est de dire qu'il faut aller au-delà, c'est-à-dire qu'il faut que le visiteur puisse toucher le musée, c'est-à-dire qu'il puisse interagir avec la main étant l'auxiliaire du cerveau, et que quelqu'un qui expérimente quelque chose comprendra mieux, s'intéressera mieux au sujet qui est exposé. Et donc, ce sont tous ces dispositifs qui ont longtemps été électromécaniques, qui sont aujourd'hui numériques, que vous trouvez dans les centres de sciences. Et puis, le troisième fil, qui est un fil plus récent, c'est le faire. Par exemple, parler des Fab Labs. On a un très beau programme d'éducation artistique et culturelle qui s'appelle Fab Lab à l'école. On va parler aussi de sciences participatives. Comment est-ce que vous pouvez faire de la science, c'est-à-dire... En tant que citoyen. En tant que citoyen, en tant que non-scientifique. Comment vous pouvez participer à la science en tant que non-scientifique ? Essentiellement d'ailleurs, en récoltant de la donnée, puisque les grands programmes de recherche participative dans lesquels excelle le Muséum National d'Histoire Naturelle en France sont par exemple Vigiciel sur les météorites. Vous avez aussi les opérations de comptage des oiseaux. Sur la biodiversité en général. Exactement, fait avec le concours de la Ligue de protection des oiseaux deux fois par an, qui permettent de surmultiplier, de démultiplier les efforts d'observation des scientifiques et en fait d'avoir une armée d'observateurs bien plus large que celle qu'un organisme scientifique peut déployer. Donc, voir, toucher, faire, c'est en fait les trois fils, et c'est en mélangeant ces trois fils-là que nous pouvons toucher nos publics, et d'aucuns seront plus sensibles à l'une des dimensions qu'à l'autre. Nous essayons de le faire surtout en prenant les gens dans leur diversité, parce qu'il y a des gens qui sont très férus déjà, qui connaissent beaucoup de choses, puis vous avez des gens qui ne savent pas, ou qui n'ont pas cette curiosité-là, et nous devons les prendre comme ils sont, comme ils viennent, accueillir leurs questions et les accompagner là où ils veulent aller. C'est faire des gens des citoyens libres et éclairés. Nous sommes un peu une fabrique de citoyens libres et éclairés. Il y a de l'esprit des Lumières chez vous, Bruno Macquart. Mais il y a peut-être un quatrième fil à ajouter à ce que vous venez de dire. J'ai vu qu'en mai 2024 allait commencer une exposition qui s'intitule « Danser ». Qu'est-ce qu'une exposition sur la danse ou sur le fait de danser vient faire à la Cité des Sciences ? C'est quoi l'idée ? Alors l'idée, elle est d'abord partie du fait que, comme je le disais tout à l'heure, nous allons rénover la Cité des Enfants. Et qui dit rénovation dit travaux, qui dit travaux dit fermeture. Donc en avril, on ferme la Cité des Grands, pas celle des Petits. Et puis après, on fera l'inverse, on ouvrira les Grands et on fermera les Petits, etc. Et donc nous avons cherché une exposition familiale qui puisse accueillir beaucoup de monde. Encore une fois, dans ce droit fil de la ligne éditoriale Petit Curieux, en proposant avec la complicité, j'allais dire, puisque le concours du Centre National de la Danse, qui est notre voisin à la Cité, une exposition sur la danse. Alors, c'est pas une histoire de la danse, mais c'est une façon de montrer comment le corps bouge quand il danse, individuellement et collectivement. Une exposition qui se termine par un bal, puisque toutes les heures, il y aura un bal collectif offert au public. J'irai. Merci Bruno Macquart d'être venu nous donner envie de fêter la science. Et j'invite tous les auditeurs, les auditrices à aller près de chez eux, là où se déroulent des manifestations. Tout de suite, nous retrouvons Alexandra Delbeau pour sa chronique Avec Science, où il va être question, je crois, de mort imminente. Oui, ce sont ces visions ou sensations un petit peu particulières que certaines personnes rapportent avoir vécu après leur retour parmi les vivants. La plus connue d'entre elles, bien sûr, cette lumière au bout du tunnel ou encore la sensation de sortir de son corps, du moins pour ce qui est de notre monde occidental. Car ces EMI, expériences de mort imminente, sont rattachées à notre culture. Pour les Indiens ou les Thaïlandais, par exemple, il n'y a pas de tunnel, mais Yama, seigneur de la mort, qui les renvoie vers le monde des vivants parce qu'en fait, il s'est trompé. D'un point de vue général et plus global, ces expériences sont plutôt stéréotypées et généralement positives, mettant en scène un être cher par exemple, et leur récit est ancien, mais pour le domaine scientifique, le sujet de recherche est assez récent car ces EMI ne sont réellement considérés que depuis 1975. Avant, on croyait à des affabulations. Mais que se passe-t-il, Alexandra, dans le cerveau quand on meurt, ou du moins quand on se rapproche de la mort? Alors au moment où le cœur cesse de battre, le cerveau n'est plus irrigué en oxygène. On perd conscience, c'est ce qu'on appelle une syncope. Et puis, très rapidement, il va y avoir des modifications de l'activité électrique dans le cerveau qui pourraient expliquer ces phénomènes. Stéphane Charpier est professeur à la Sorbonne, directeur de recherche à l'Institut du cerveau et auteur de « La science de la résurrection » paru chez Flammarion. Après que le cœur se soit arrêté de battre ou que le cœur ait été privé d'oxygène, on voit apparaître dans cette activité électrique des bouffées d'activité rapide et qui sont celles normalement que l'on trouve chez les personnes conscientes, c'est-à-dire vous, moi et les personnes qui sont en train de nous écouter. Alors ça, c'est une sorte de marqueur bioélectrique de la possibilité d'une activité, je dirais, cérébrale de type éveil conscient, alors que le patient est manifestement inconscient puisqu'il est soit en arrêt cardiaque, soit être en train d'être réanimé. Ça, c'est une hypothèse. L'autre hypothèse, qui est celle qu'on défend plutôt dans mon laboratoire, serait que ces expériences de mort imminente surviendraient plus tardivement, en fait, au moment de la récupération. Parce qu'il faut bien comprendre que si une personne, si on appelle ça un expérienceur, est capable de relater son expérience de mort imminente, ça veut dire qu'il a récupéré et qu'il a pu réémerger à un état de conscience qui lui permet de raconter ce qui lui est arrivé. Donc nous, notre hypothèse, c'est que ces expériences de mort imminente surviennent au moment du retour, qui est une période de récupération plus lente des activités cérébrales, qui montrent en fait des patterns d'activité un peu compliqués, un peu anormaux, et qui sont plus proches en fait de ce que le cerveau produit dans le cadre d'hallucinations. Les études sur le sujet restent rares, il n'y a pour l'instant que 20 ans de réelles recherches. On estime que 5 à 10% des personnes ayant fait un arrêt cardiaque et ayant survécu peuvent relater ces EMI. Et pour des questions évidemment techniques, les expériences sont difficiles à mener en laboratoire, mais une nouvelle étude, la toute première du genre, a tenté de mesurer l'état de conscience avec son et lumière. La nouveauté de cette étude, c'est justement la capacité de pouvoir appareiller des patients qui sont en train d'être réanimés, les appareiller pour, premièrement, mesurer l'activité électrique et métabolique de leur cerveau, mais aussi de les stimuler de manière auditive et visuelle pour tester après coup la capacité de ces patients qui ont survécu à un arrêt cardiaque de rapporter les expériences sensorielles qu'ils auraient éventuellement perçues au cours de la réanimation, donc c'est-à-dire au moment où ils étaient, entre guillemets, en train de mourir. Hélas, ça a plutôt échoué. C'est-à-dire, ils ont quand même, bien sûr, dans cette étude, montré qu'un nombre assez important des patients, environ 9% dans l'étude, relatent des expériences qui sont de type expérience de mort imminente. Et pour ce qui est de la capacité de ces personnes à se souvenir des stimulations sensorielles, là par contre, c'est plutôt un échec. Et oui, cela ne marche pas à tous les coups, la recherche, Guillaume. Les patients ne se rappellent pas avoir été stimulés. Cela signifie que le cerveau, privé de sang oxygéné, n'est pas capable de traiter les informations extérieures et de les mémoriser. Le défi à présent est de pouvoir déterminer quand se produisent ces expériences de mort imminente, quand sont associées ces activités cérébrales particulières à ces visions. Sont-elles précoces, dans les secondes où le patient tombe dans le coma, ou sont-elles tardives, quand il revient d'entre les morts? L'énigme n'est pas encore résolue. Merci Alexandra Delbo et merci à vous Bruno Macquart. Où est-ce qu'il faut aller ce week-end pour la fête de la science? Du moins si on va à la Cité des Sciences. Qu'est-ce qu'il faut voir? Alors c'est gratuit ce week-end. On a 1500 heures d'activité sur 3 jours, 60 activités quotidiennes avec des invités de marque, en particulier le Forum International Météo et Climat dont les parrains sont Chloé Nabédian et Jamy Gourmaud, le CNRS et puis... Avec le Palais de la Découverte, on peut aussi sortir puisqu'on a un petit tricycle et on va s'intéresser à la biodiversité de la Seine. Ça n'existe nulle part ailleurs. Merci Bruno Macquart. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Jean-Guilain Meige et à la réalisation Luc-Jean Reynaud.